Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Ici Lalonde des ondes. Marc Lalonde au micro. Toujours un plaisir, comme ça, et oui, à chaque semaine, à être là, parmi vous, à vous offrir la plus belle, la plus grande variété musicale francophone d'un bout à l'autre du pays. Et cette semaine, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai du Émilie Landry, du Vichten, Caroline Savoie, l'album de la semaine, Haricot. Ça va très bien pour ce groupe féminin de la baie georgienne. On va entendre du Christine Tassan et les Imposteurs. Il y aura du Kimia et le R, ainsi que Christine Saint-Pierre. Iceberg, Télécolor, Brass Camarade pour ce qui est de l'instrumental et de l'Ouest canadien. On aura du Cristal Plamondon, Mireille Moquin et bien d'autres. Donc, bougez pas, je vous reviens dans quelques instants avec le bloc des Maritimes à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Bonjour, ici Lalonde des ondes, très content d'être là, comme à l'habitude. Je tiens à remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça d'être chez vous, sur les ondes de vos radios, semaine après semaine, pour faire en sorte de vous faire entendre l'excellente musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes, CKGM chez Tican, WFM 98, Halifax, CFAB, Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse, CKMA, Miramichi, Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe, de la région de Barrie, en Ontario. Il y a également Envol 91, Saint-Boniface au Manitoba, CFRG, Gravelbourg, Saskatchewan, CLS, Victoria, Colombie-Britannique, et CVR, Yellowknife, territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Laissez-moi leurs coordonnées à canrockcdn@gmail.com. Allons-y, si vous voulez bien, avec le blog des Maritimes. Et juste avant, je veux vous inviter, bien sûr, sur ma page Facebook, où il y a beaucoup d'informations sur les artistes de la francophonie canadienne. Donc, sur Facebook, vous faites CAN-ROCK, C majuscule, R majuscule. Vous allez tomber sur ma page, vous allez avoir beaucoup d'informations sur les artistes d'ici et d'ailleurs au Canada. Donc, allons-y, oui, tout simplement, avec deux jeunes artistes, deux jeunes auteurs, compositrices, interprètes qui ont fait accro de la chanson. Je parle bien sûr de Élie Côté et aussi Émilie Landry. Eh bien, Élie Côté ouvrira pour Émilie Landry au Centre culturel de Bouctouche le 5 mai prochain. Soyez-y, c'est à 20h30. Voici Dans le Nord, Émilie Landry. Et si je foutais le camp à 200 000 à l'heure vers un autre continent, j'ai vraiment mon voyage de faire la sédentaire et de faire ton ménage. Vais te ramasser pour de bon. Je pars à 6h du matin, un post-it dans le salon qui dit « Je reviendrai pas ». Tu peux bien courir, mais tu me rattraperas pas. Je pars en road trip avec ton chien qui part dans le nord, avec ton char. Je pars en road trip avec ton chien qui part dans le nord, avec ton chien. Ton chat. vent virer de bord. 9h du matin, il est déjà trop tard, tu dois être réveillé. J'imagine que c'est toi, mes 15 appels manqués, t'as jamais été si sais plus quoi penser. Enmarmée, Ellie Côté, gagnante de Accro de la chanson solo l'année passée. Section groupe, c'était les Fascinantes, bien sûr. Et elle va ouvrir, elle va faire la première partie du spectacle de Émilie Landry, qui elle aussi, il y a quelques années, a fait Accro de la chanson. Et c'est un concours formidable que j'encourage à tous les années. J'appelle pour avoir ma copie d'album parce que je veux faire jouer les tunes de ces jeunes artistes-là qui ont du talent à revendre. La preuve est des côtés, Émilie Landry et bien d'autres. Donc, si ça vous intéresse, allez faire un tour sur leur site Internet. C'est tout simplement www.fjfnb.nb.ca/accro de la chanson. Et la finale, la prochaine finale d'Accro de la chanson 2018, ça aura lieu les 11 et 12 mai prochains à Grand-Sceau. Et à fin avril, on devrait recevoir ça va être le lancement de l'album avec les finalistes de cette année. À chaque année, j'appelle, moi, puis je reçois une copie, puis ça me fait plaisir de vous faire entendre ces jeunes artistes-là qui ont beaucoup de talent. Il faut encourager ça. Bravo à la Fédération de la jeunesse francophone du Nouveau-Brunswick pour ce beau travail avec Accro de la chanson, qui est vraiment une étape importante dans le développement des artistes francophones au Nouveau-Brunswick. On va poursuivre, si vous voulez bien, tout simplement avec Vichtin. C'est que sur mon site, ma page Facebook de Canrock, vous pouvez voir que le prochain CMA, Congrès mondial acadien, celui de 2019, aura lieu à l'Île-du-Prince-Édouard. Et c'est la charmante Emmanuelle Leblanc de Vichtin qui va être la directrice artistique du CMA. Donc, ça risque d'être assez intéressant. Merci. Et puis, on va les entendre avec grand plaisir. Pièce-titre de leur album, La Terre Rouge, Vichtin, qui est en réalité Emmanuelle Leblanc, Pastel Leblanc, oui, Pastel Leblanc, sa sœur jumelle, et Pascal Miouf. L'excellente musique folklorique, vous allez voir, avec une petite touche irlandaise assez intéressante. Donc, on va entendre Terre Rouge. Par la suite, on va entendre Les 100 pas. Joanie Benoit lance son album à Montréal le 9 avril et à 13 avril du côté du Nouveau-Brunswick. Prise par la main, lui ai montré le chemin. Vers le nord, il était tard, on s'est rendu près du fort. Sous nos pieds, les grains de sable, dans nos yeux, l'amour sauvage. Le vent chaud, la peau brûlante, comme deux étoiles filantes. Allons danser, ma jolie, sous les étoiles de la nuit. La terre rouge nous a conduits sur le chemin du paradis. Allons danser, mon chéri, laissons aller nos ennuis. Allons danser, ma jolie. La folie s'empare de moi. Je veux la voir dans mes bras. Sa beauté me fait vibrer. Je n'ai jamais tant aimé. Allons danser, ma jolie, sous les étoiles de la nuit. La terre rouge nous a conduits sur le chemin du paradis. Allons danser, mon chéri, laissons aller nos ennuis. Allons danser, ma jolie. Sur la berge, on s'est couché. pu empêcher notre amour de continuer. Allons danser, ma jolie, sous les étoiles de la nuit. La terre rouge nous a conduits sur le chemin du paradis. Allons danser, mon chéri, laissons aller nos ennuis. Allons danser, ma jolie. Allons danser, ma jolie. Vous savez, c'est une question de passion, le travail que je fais. Et il y en a quelques-uns comme ça au pays qui le font avec grand plaisir, dont M. Samuel Chiasson. Sur ma page Facebook, vous pouvez voir un petit clip d'artiste acadien qui remercie Samuel Chiasson, qui était l'animateur de Méchante Soirée, qui a terminé après 5 ans de diffusion. C'était la dernière diffusion à Radio-Canada la semaine passée. Et tous les artistes qui sont passés par là ont apprécié l'encouragement que Samuel Chiasson a pu leur donner. Et c'est important, ces encouragements-là. Donc, bravo à Samuel Chiasson. Samuel, je te souhaite le meilleur des succès dans tous tes projets futurs. Et c'est sûr que les artistes ont beaucoup apprécié ton appui. Et lâche pas, on a besoin des gars comme toi pour encourager les artistes de la francophonie canadienne. C'est pour ça que je vais lui envoyer la prochaine chanson. Donc, vous pouvez voir un vieux clip de Jack Shaw. C'est Caroline Savoie qui fait le blues de la transcanadienne. Et aussi, on va entendre Harley 1970 de M. Raphaël Buckler. Encore une fois, merci Samuel. À la prochaine. Je fais une couple de fois que je t'appelle de loin. Une couple de fois qu'on parle pour rien. Je sais pas si c'est le nord, je sais pas si j'ai tort, mais là j'ai mes voyages dans le corps. Oh, mais là j'ai mes voyages dans le corps. Oh, oh, oh, oh. Je passe mon temps à partir plus loin. Je trouve même pas le temps de me dire reviens. Suis-tu perdu dans le décor ou pogné en deux portes-chars là-bas? En attendant de me virer de bord. Oh, oh, là-bas. En attendant de me virer de bord. Oh, oh, oh, oh. La route a usé mes valises. J'en ai vu des clochers faire sonner des églises. J'aime pas te dire que t'as raison, mais ce soir je donnerai tout. J'ai encore fermé le port. Des fois j'ai mes voyages dans le corps. Oh, oh, oh, des fois j'ai mes voyages dans le corps. Ça fait déjà presque un mois que je tombais dans mes bouteilles de fort. C'est cliché, je sais ben trop, mais moi ça m'aide de mon bord. T'as acheté mon cœur dans la garnotte quand tu m'as dit que c'était fini. T'allais backpacker au Maroc, je t'ai pas vu venir, ma belle Julie. J'ai acheté un Harley 1970 pour faire croire à ma tête que mon cœur était plus triste. J'ai acheté un... de ma cabane dans une valise en cuir usé. J'suis parti pour la Louisiane le mardi gras, m'vrais oublier. Moi pis la route, on se comprend ben. Allez, fasse tout ce qui reste de toi. Y'a jamais rien qui arrive pour rien. Welcome, bonheur dans les États. J'vais acheter un Harley 1970 pour faire croire à ma tête que mon cœur était plus triste. J'vais acheter un Harley 1970 pour faire croire à ma tête que mon cœur était plus triste. Shanky Shank Jambalaya. Il faisait chaud mais j'avais frette. J'avais encore le cœur